ton odeur, ton regard et ta voix. La colère quand tu pleures, que tu cries après moi. J'aime la vie, le bonheur depuis que tu es là. Je ne compte plus les heures, l'abloutie contre toi. J'aime ça, mon amour, que tu peuples mes jours. J'aime ça, j'aime ça, j'aime toi, j'aime toi. J'aime ça, j'aime ça, j'aime toi, j'aime toi. J'aime autant les couleurs, les éclats dans tes yeux, les instants de douceur où tu dors un petit peu. J'aime tes mains quand tu rêves, que tu t'accroches à moi, le dessin de tes lèvres quand tu parles tout bas. J'aime ça, mon amour, que tu peuples mes jours. J'aime ça, j'aime ça, j'aime toi, j'aime toi. J'aime toi pour toujours, promis, craché et juré. J'aime ça, j'aime ça, j'aime toi, j'aime toi. J'aime ta bouche et ton nez, ton petit corps et tes doigts que tu fais gigoter. Quand tu bois, quand tu bois, quand tu bois, quand tu bois, ton petit lait, j'aime ça, mon amour, que tu peuples mes jours. J'aime ça, j'aime ça, j'aime toi, j'aime toi. J'aime toi pour toujours, mon amour de bébé. J'aime ça, j'aime ça, j'aime toi, j'aime toi. J'aime ça, j'aime ça, j'aime toi, j'aime toi. J'aime toi, j'aime toi.